Amis en beau voile vert, certains indépendantistes. C'est une gang de jeunes qui ont coulé le cégep qui essaie de le finir depuis 10 ans, mal famés, avec des pancartes, pour venir dire à Kate et à William comment qu'ils étaient bienvenus au Québec. On a-tu l'air innocent des fois quand même ici, hein? Isabelle Maréchal vous prépare toute une émission. Isabelle le matin, on se mène de 10h à midi pour 98.5 FM. La cuisine.